Bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour les coups de cœur d'Aurélien, le lundi, 8h, 13h30. Donc mon coup de cœur de cette semaine est un coup de cœur musical. C'est de Michael Jackson, c'est Beat It. Donc la musique est sortie en 1982. C'est du hard rock et R&B, c'est un mélange de rock, hard rock, R&B. Donc j'aime bien Michael Jackson, il fait des bonnes musiques de base. Donc dommage qu'il soit mort, c'est un petit peu embêtant. Ça a stoppé sa carrière net, c'est le cas de le dire. Et cette musique, elle est entraînante, un peu comme toutes les musiques que j'aime. J'aime les musiques qui bougent un peu, qui sont entraînantes, on a envie de danser. Et Beat It fait partie de ces musiques, je trouve, qui sont entraînantes. Voilà. Bon, je vais vous passer maintenant à la musique pour que vous vous rendiez compte. Voilà. Allez, au revoir, à la semaine prochaine.